Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et un peu de Beethoven pour commencer aujourd'hui avec les ruines d'Athènes. C'est un Singspiel, c'est-à-dire un ouvrage en allemand, chanté en allemand, qui date de 1811. C'est une commande du roi de Prusse. Et Beethoven n'a pas été vraiment satisfait du résultat de cette œuvre, qui est composée pour orchestre symphonique, solistes vocaux, et chœur. Il n'était pas très satisfait, sauf de l'ouverture. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va écouter précisément. Mais pour autant, plusieurs fois, jusqu'à sa mort, il a eu le projet, tout au moins, de réécrire l'œuvre, de l'arranger, de l'améliorer. Malheureusement, bon, il n'a pas eu le temps, mais enfin, c'est quand même une œuvre qui, pour être rare, a quand même, je trouve, aussi des qualités, notamment dans cette ouverture magnifique. Et on sait que Beethoven était passionné par la Grèce antique, il connaissait les philosophes de cette époque, donc nombreux, et évidemment il adhérait plus ou moins à leur conception politique, par exemple. On va écouter l'ouverture de ces ruines d'Athènes, opus 113 de Beethoven, avec l'orchestre symphonique de Berlin, dirigé par Hans-Hubert Schoenzeler. du grand Beethoven, selon moi, l'ouverture des ruines d'Athènes, interprétée par l'orchestre symphonique de Berlin dirigé par Hans-Hubert Schoenzeller. Bah, lui, Beethoven, il trouvait que finalement, il était cette ouverture et puis toute l'œuvre n'était pas vraiment satisfaisante. Bon, c'est comme ça. Allez, du piano maintenant, ou plutôt du piano forte avec le piano fortiste Melvin Tan. Alors, quelle est la différence entre un piano et un piano forte? Eh bien, un piano forte, c'est un instrument qui ressemble à ceux de l'époque de Haydn, Mozart, Beethoven, puisque le piano n'a cessé tout au long du 19e siècle de se moderniser, de se perfectionner techniquement pour arriver au son que nous avons aujourd'hui avec les grands pianos à queue, les Steinway, etc. Et évidemment, le son était beaucoup plus métallique avec les pianos forte. Et voici la fantaisie en ré mineur que Schell 397 de Mozart. Ça, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'en moins de 6 minutes, cette pièce résume un peu l'esprit mozartien. Ça commence avec beaucoup de doutes, d'interrogations, peut-être sur le sens de la vie. Et puis, ça se termine comme dans un tourbillon vers la lumière, un peu comme une ouverture d'opéra chez Mozart. Et cette fantaisie, elle date de 1782. C'est une époque où Mozart se penche beaucoup sur les anciens, c'est-à-dire Bach et Handel. Et cette pièce commence avec des arpèges et puis ensuite un adagio un peu triste et ça se termine, comme je le disais, dans un tourbillon. Voici cette fantaisie que chez le 397 de Mozart, jouée par le pianofortiste Melvin Tan. Thank you. La fantaisie Köchel 397 de Mozart, interprétée au pianoforte par Melvin Tan. Et voici maintenant la figure haute en couleur de Nathalie Dessay, une artiste que j'aime énormément, soprano, colorature, qui se définissait comme une actrice qui chante et non pas comme une chanteuse qui joue. Bah oui, c'est bien dit. Je parle au passé parce que, effectivement, Nathalie Dessay a mis un terme à sa carrière de cantatrice, et c'est bien dommage. Elle nous a laissé des enregistrements magnifiques et puis vraiment une des voix les plus exceptionnelles de ces dernières années. En 2007, elle a fait paraître un récital italien avec du Donizetti, du Verdi et du Bellini. Bah justement, on va s'intéresser à Bellini avec Les Puritains. C'est un opéra qui a été créé en 1835 au Théâtre des Italiens, ça tombe bien, à Paris, avec Giulia Grisi, qui était une formidable chanteuse de l'époque. Et donc, à la première, il y avait Balzac, qui comptait au premier rang des admirateurs de Bellini. Peut-être Chopin aussi, puisque Chopin adorait Bellini. D'ailleurs, il s'était pris d'amitié tous les deux, ils avaient une grande amitié tous les deux, et Chopin admirait la ligne mélodique des airs de Bellini. Il s'en est parfois d'ailleurs inspiré pour ses propres pièces pour piano. Allez, on va écouter un extrait des Puritains, interprété par Nathalie Dessay, et puis Matthew Rose qui lui donne la réplique. L'orchestre, c'est le Concerto Köln, dirigé par Evelino Pido. Oh! Un extrait des Puritains de Vincenzo Bellini avec la voix magnifique de Nathalie Dessay et puis Matthew Rose qui lui donnait la réplique pour ces Puritains. Et l'orchestre, bien, c'était le Concerto Köln dirigé par Evelino Pido, un orchestre plutôt axé sur le répertoire baroque mais excellent évidemment dans ce répertoire. Un peu de violon maintenant avec celui de Pablo de Sarasate et ses variations sur Carmen de Bizet. 8 ans après la première de Carmen, le dieu espagnol du violon, Pablo de Sarasate, a tiré une pièce, donc des airs variés autour de l'opéra, des variations en quelque sorte, Carmen Fantasy. Et évidemment, à l'époque, eh bien, tout le monde avait les airs de cet opéra parmi le plus populaire de tout le registre de l'opéra. Peut-être d'ailleurs le plus populaire. Tout le monde avait sur les lèvres cet opéra, les grands airs. Et donc, c'était tentant pour un virtuose de la trempe de Pablo de Sarasate de composer une œuvre qui réunirait un peu tous les grands thèmes de l'opéra Carmen. Et dans un morceau de bravoure qui s'apparente parfois d'ailleurs à des acrobaties, tellement le violon doit être virtuose, tellement il faut un virtuose pour interpréter cette Carmen Fantasy. Eh bien, je vous propose d'en écouter un petit extrait, la conclusion, potpourri raffiné, vous allez voir, évidemment, le soliste qui doit assurer, comme on dit, et qui brille de mille feux. Le soliste, c'est Gil Shaham, et l'Orchestre Philharmonique de Berlin est dirigé par Claudio Abbado. Thank you. Ah oui, un enregistrement public pour cette Carmen Fantaisie de Pablo de Sarasate avec Gil Shaham au violon et l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado. Quand un grand orchestre symphonique, l'un des plus grands au monde d'ailleurs, l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, et un chef d'orchestre qui est également compositeur, Esa-Pekka Salonen, s'empare de la musique de film et pas n'importe laquelle, celle de Bernard Herrmann, le compositeur fétiche favori d'Alfred Hitchcock. Ça nous donne une version tout à fait extraordinaire du thème de La mort aux trousses, par exemple, un film avec Cary Grant. Bah, vous avez peut-être vu ce film très célèbre, la fameuse scène avec l'avion qui déverse un produit toxique sur le fugitif. Ça se passe dans une plaine. Et donc un film qui évoque l'engrenage d'un citoyen lambda pris dans la raison d'État qui va être broyé par cette raison d'État, en quelque sorte. Voici le thème de ce film, donc La mort aux trousses, joué par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, avec à sa tête Esa-Pekka Salonen. Le thème du film La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, musique de Bernard Herrmann, l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et Esa-Pekka Salonen. Il n'y a pas tellement de grands concertos pour violoncelle finalement. Certes, Haydn en a composé deux, peut-être plus d'ailleurs. Il y a ceux auparavant de Vivaldi, de Boccherini. Mozart n'en a pas composé, Beethoven non plus, Schubert non plus, qui n'a d'ailleurs pas donné grand-chose dans le registre du concerto. Donc Schumann a écrit un vrai chef-d'œuvre avec son concerto pour violoncelle qui date de 1850 Après, bon, Dvorak va en composer un également, Saint-Saëns, bien sûr. Donc, le concerto pour violoncelle va un peu se développer, mais il n'arrivera pas au nombre de chefs-d'œuvre qui ont été destinés au piano, bien sûr, mais aussi au violon. Alors, on va écouter un peu de ce concerto pour violoncelle de Schumann, que j'aime beaucoup, avec une interprétation raffinée. Celle de Gauthier Capuçon, qui était récemment, il y a quelques jours d'ailleurs, récemment, vraiment récemment, quelques jours à Nancy pour un concert dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Et on va retrouver Renaud Capuçon avec l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Bernard Herrmann. Par Bernard Herrmann, non, c'est le compositeur, par Bernard Haitink. Thank you. voilà, le beau thème qui ouvre le concerto pour violoncelle de Robert Schumann avec Bernard Haitink à la tête de l'orchestre de chambre d'Europe et puis en soliste Gauthier Capuçon. On continue avec un titre qui, je pense, va ravir, va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est Verdi et son Nabucco, le fameux Chœur des Esclaves, qu'on évidemment, on a tous dans l'oreille. Chœur des Esclaves qui a eu immédiatement beaucoup de succès. Il est vrai qu'on est à l'époque où les Italiens sont occupés par les Autrichiens et cette ère des esclaves enchaînés, eh bien, qui aspire à la liberté, eh bien, va représenter un champ de ralliement pour tous les patriotes italiens. Et d'ailleurs, il y avait le roi Victor Emmanuel qui était sur le trône quand même. Et puis, on prenait les initiales de Verdi sur les murs pour écrire Victor Emmanuel, roi d'Italie, en prenant V-E-R-D-I. Voilà, c'est ce que les Italiens faisaient à l'époque. Et c'est un opéra qui a marqué vraiment les débuts, le début des triomphes chez Verdi, parce qu'auparavant, il avait déjà composé deux ou trois opéras qui n'avaient pas vraiment eu de succès, même pas du tout. Il s'était demandé s'il était fait pour être compositeur, s'il avait réellement du talent, et puis il a insisté. Il a cru en lui et il a composé ce fameux Nabucco, qui a eu tout de suite donc un succès considérable. Le voici, ce Chœur des Esclaves, avec le chœur et orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti. Thank you. Le Vapensiero, au cœur des esclaves du Nabucco de Verdi, avec le chœur et orchestre de la Scala de Milan et Riccardo Muti, l'un des grands chefs actuels, monstre sacré de la direction d'orchestre, et un peu de piano maintenant avec Georges Bizet et ses Chants du Rhin. Alors c'est vrai que Bizet n'est pas très très connu pour son œuvre pour piano, et pourtant il a laissé des pages admirables comme ses Chants du Rhin, qui sont inspirés d'un recueil de poésie de Joseph Méry, qui avait déjà écrit quelques livrets d'opéra, qui était connu en son temps, recueil de poèmes paru en 1865 et qui évoque le Rhin romantique. On pourrait comparer d'ailleurs ces Chants du Rhin à la symphonie rhénane de Schumann. Il y est question évidemment des paysages magnifiques et puis de toutes ces légendes qui tournent autour de ce fleuve majestueux et superbe. Alors voici l'un de ces Chants du Rhin, l'Aurore, peut-être la page la plus connue d'ailleurs du recueil, interprétée par Sylvie Carbonel. L'Aurore, tirée des Chants du Rhin de Georges Bizet avec au piano Sylvie Carbonel, ça fait partie d'un superbe coffret dont je vous parle déjà depuis plusieurs émissions, un coffret Scarbo, sponsorisé par Lina, et qui rassemble les enregistrements de cette grande pianiste française, Sylvie Carbonel, des enregistrements qui vont des années 60 aux années 2000, beaucoup de choses intéressantes, un coffret de 10 CD que je vous conseille. Joseph Haydn, compositeur fameux, grand ami de Mozart. Et d'ailleurs, on l'appelait papa Haydn, c'est Mozart qui considérait Haydn comme son deuxième père, en quelque sorte. Et Haydn a une œuvre considérable, tant sur par rapport à l'importance qu'il a eue dans l'histoire de la musique que par sa qualité. Et il a composé 14 messes, toutes superbes, des messes pour des qui sont reliées parfois à des événements de l'époque, comme la messe Nelson qui a été composée à l'époque où l'amiral anglais a remporté une victoire contre les Français à Aboukir, et puis messe pour les temps de guerre, pour l'époque des guerres napoléoniennes, et puis la messe pour Sainte-Cécile qui évoque évidemment, qui rend hommage plutôt à la patronne des musiciens. Alors voici l'Agnus Dei de cette messe de Sainte-Cécile de Joseph Haydn avec le chœur de chambre de Stuttgart, l'orchestre de chambre du Württemberg dirigé par Frieder Bernius et mention spéciale à la voix de basse d'Hans Georg Arends. Oh, L'Agnus Dei de la messe à Sainte-Cécile de Joseph Haydn avec le chœur de chambre de Stuttgart, l'orchestre de chambre du Württemberg dirigé par Frieder Bernius et la belle voix de basse d'Ernst-Georg Arends. Allez, on va terminer comme on a commencé avec Beethoven. Cette fois, il s'agit de sa fantaisie pour piano, chœur et orchestre opus 80. On en écoute la conclusion avec Evgeny Kissin et puis le chœur de la radio de Berlin, l'orchestre philharmonique de Berlin, tous dirigés par Claudio Abbado. Conclusion de la fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Beethoven avec Evgeny Kissin, le chœur de la radio de Berlin, l'orchestre philharmonique de Berlin et tout ce petit monde dirigé par Claudio Abbado. Ben voilà, c'est terminé pour ce samedi. On se retrouve demain dimanche à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous À demain, bien sûr, pour donc un nouveau programme musical.